si je suis vivant. Chargé par ces mille instruments, il y en avait un pour moi, justement. Il est entré sans rien me dire. L'encre s'est mise à couler dans ma tête et sur un vieux papier. Il m'a dit de vous dire qu'il n'y a plus rien à dire. Il m'a dit de vous dire. Chaque seconde. Ses talents, il a pu faire de moi son enfant. Il m'a souri, ça m'a fait rire. On a joué quelques instants, s'amusant avec des harmonies. Il m'a dit de vous dire qu'il n'y a plus rien à dire. Il m'a dit de vous dire d'écouter. Écoutez le silence qui voudrait bien reprendre sa place dans la balance, de se remettre au monde à chaque seconde.